Là-bas, en passant dans ma rue, j'ai vu une chimère. Elle m'a dit, entends-tu le souffle des sirènes, bariolant les douces galères, voguant dans l'amertume. Hume les plaisirs conçus dans l'un de ces cimetières, ces jolies demoiselles, de véritables polichinelles, arborant le pays viking, de palmiers libres de parfums. Assidûment, elle résonne de bonnes aventures. Elle est cette diseuse, tilant des mots au bord d'une scène. Esprit tout de même tordu aux caricatures de liberté, si chère dans nos consciences qu'on la balance dans nos rues. On lui dit, vas-y chante les idéaux qu'on ne croit plus, réchauffé par ces mots que l'on jette au gré des rues. Elle pique l'instant présent de ses chansons utopiques, elle donne l'argent au vent, elle tend à sa manière assidûment, elle résonne de bonnes aventures. Elle est cette diseuse, dilant des mots au bord d'une scène. Toi le sympathique rêveur, entends-tu cette chimère? Qui sème peu d'impossible, qui sert à la bonne heure, en tout bien, tout honneur. Il me plaît d'être chanteur, arborant le pays viking, de palmiers libres de parfums. Je suis une diseuse de bonnes aventures, dis-en quelques mots. Au bord d'une scène. De bonnes aventures, dis-en quelques mots au bord d'une scène.